veux que ta zig te donne des ailes, donc j'espère que t'as pas le vertige. On pédale dans la smoule et rien à foutre de Cavendish. Le respect se tire, les pervers disent, y'a des jolies gamines. On se plie en quatre et puis regarde, franchement c'est plus d'origami. Aussi j'écris en jetant un œil au crétin à Cancun là. Faut pas dormir car même ton lit peut te mettre des grands coups de latte. On veut que ça claque et fasse du bruit comme ceux qui auront le R6. Ça ferait plaisir qu'un tag mec dise t'es attendu comme le MC. Il dit si si je suis là, mais je comprends pas t'es où mec. Leur vécu on y croit pas comme les pétitions des roumaines. Western égale faucon, télé égale vrai con c'est sûr. T'es pas des calculettes HS, tu peux pas compter dessus. Les mecs s'insultent mais je t'assure c'est une approche banale. Des vrais rappeurs moi j'en vois plus comme les sacoches bananes. Tu voyages avec mon son mais pas de passage et louche. Je rappe avec mes tripes les enfants. Ne faites pas ça chez vous. Je suis comme ce titre qu'on se dit. Je balance tout en vrac. Mes sons comme les mécanos. Pas de doute c'est tout le temps crade. T'es pas au van, je suis pas au bad. Donc je fais pas dans la dentelle. On me dit faut que tu partes en Grèce alors que je pars dans la trentaine. Je suis comme ce titre qu'on se dit. Je balance tout en vrac. Mes sons comme les mécanos. Pas de doute c'est tout le temps crade. T'es pas au van, je suis pas au bad. Donc je fais pas dans la dentelle. On me dit faut que tu partes en Grèce alors que je pars dans la trentaine. Ils aimeraient avoir tout vu comme Montagnier Gilbert. Ok on parle dans cette maison. On n'est pas né d'hier. Puis là je stresse, c'est comme le 13, je suis à côté de la plaque. On veut décoller vu le collectif ou un gros delta plan. C'est une blague, dans ma poche j'ai ni monnaie ni ma langue. Pour relancer leur carrière, ils veulent tous croiser Timbaland. J'écris des textes plein de ratures, donc là je suis mal barré. J'ai pas la main, Jamel, me voir fital, jamais. Faut éviter les problèmes, comme les haies, t'as pas grossi. Pas de jalousie, mais j'hallucine sur les Corées, Jabba Wookies. Vu mes origines, ils voudraient nous voir compter pour du beurre. Tout est à l'intérieur, pas d'erreur, toi t'as tout du punch. Moi j'écoute de tout, ah non. Non, pas trop de zaz. Réussir, un coup de poker pour ceux qui sont pleins aux as. Je suis optimiste, c'est alibi, ce qu'on sera dans de beaux draps. Ils veulent tout faire à fond, c'est con, oublie le temps de rodage. Je suis comme ce titre qu'on se dit, je balance tout en vrac. Mes sons comme les mécanos, pas de doute, c'est tout le temps crade. T'es pas au van, je suis pas au bad, donc je fais pas dans la dentelle. On me dit faut que tu partes en Grèce alors que je pars dans la trentaine. Je suis comme ce titre qu'on se dit, je balance tout en vrac. Mes sons comme les mécanos, pas de doute, c'est tout le temps crade. T'es pas au van, je suis pas au bad, donc je fais pas dans la dentelle. On me dit faut que tu partes en Grèce alors que je pars dans la trentaine. Tu comme ce titre qu'on se dit, je balance tout en vrac. Mes sons comme les mécanos, pas de doute, c'est tout le temps crade. T'es pas au van, je suis pas au bad, donc je fais pas dans la dentelle. On me dit faut que tu partes en Grèce alors que je pars dans la trentaine. Tu comme ce titre qu'on se dit, je balance tout en vrac. Mes sons comme les mécanos, pas de doute, c'est tout le temps crade. T'es pas au van, je suis pas au bad, donc je fais pas dans la dentelle. On me dit faut que tu partes en Grèce alors que je pars dans la trentaine.